L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Yom, bonjour. Vous êtes donc, je le rappelle pour nos auditeurs, un des artistes, un des trois artistes en résidence à l'apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise. On avait eu l'occasion de parler précédemment de deux créations, je pense au Silence de l'Exode et à Back to Klezmer. Cette fois-ci, vous nous proposez une plongée peut-être plus encore, une épopée musicale, une véritable épopée musicale en direction du Far West, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, une traversée d'une Amérique fantasmée, un peu onirique, comme ça, qui va peut-être de la côte est jusqu'à la côte ouest, effectivement. Mmh. Un spectacle qui a changé d'intitulé, d'identité. Il est passé de Yiddish Cowboy à Song for the Old Man, chanson pour le vieil homme. Pourquoi ce changement de titre? Alors, pour des raisons diverses, musicales et personnelles. D'abord, au début, Yiddish Cowboy, c'était un peu un titre de travail, parce que c'est d'un point de vue musical, on est sur un mélange de musique yiddish et musique klezmer, qui sont les musiques d'où vient, les musiques traditionnelles juives d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, et l'americana, qui est donc la musique traditionnelle américaine, qui regroupe en gros la folk, la country, le bluegrass, le blues, et ce genre-là. Donc je trouvais que le titre était plutôt amusant et plutôt représentatif de ce qu'on tentait de faire musicalement, Yiddish Cowboys. Mais au fur et à mesure, en travaillant là-dessus, je me suis rendu compte que ce travail sur la musique américaine n'était pas totalement anodin et me rappelait des choses assez personnelles et familiales, et qu'elles avaient trait en fait au départ de mon père dans les années 50 aux États-Unis. Et en fait, ça s'est transformé en une sorte d'hommage paternel. Alors bon, comme c'est une espèce, pour moi, c'est comme un petit recueil de folk songs, donc il n'y a pas de paroles, donc vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à subir toutes les histoires détaillées de la vie de mon père quand il est parti dans les années 50 aux États-Unis. Mais en tout cas, ça me semblait plus sympa d'appeler ça Songs for the Old Man, parce que voilà, c'était en fait The Old Man en américain, c'est une façon un peu familière de dire le père, voilà, The Old Man, le vieux, comme on dirait, mm-hmm. le vieux peut-être en français. Donc familièrement, donc, voilà. En effet. Mm-hmm. Voilà. Alors là, il est question en effet d'héritage culturel, voire musical, tant du côté de votre père, vous venez d'en dire un mot, mais aussi du côté de votre mère, car le croisement entre le Far West et la musique yiddish, voire la musique klezmer, c'est plutôt du côté de votre maman? Oui, parce que effectivement, ma mère est d'origine juive de Transylvanie, donc c'est sans doute ça qui a joué. Alors c'est pas ça qui a provoqué mon amour pour la musique klezmer, parce que je pense que c'est une musique tellement communicative qu'il n'y a vraiment pas besoin d'avoir d'origine juive ou d'Europe de l'Est pour en tomber amoureux. Mais c'est sûr que dans mon implication au jour le jour à la clarinette et dans la composition et dans la recherche de l'ornementation et des thématiques et des harmonies, etc., il est sûr que le fait d'avoir des origines moi-même familiales d'Europe de l'Est et juive a joué dans le fait que j'ai persévéré autant et que je sois devenu carrément monomaniaque de la clarinette klezmer. Alors, il y a entre, d'ailleurs sur le plan musical, un parallèle certainement entre la nostalgie des chansons yiddish et celle des ballades de cow-boy, non? Ouais, tout à fait, parce qu'il y a vraiment déjà de la nostalgie. La nostalgie qui n'est pas forcément une caractéristique de toutes les musiques, et notamment des musiques du monde. Et il est vrai que, alors autant dans la country et le bluegrass, il y a aussi des chansons très joyeuses, comme dans le klezmer, il y a d'ailleurs des choses qui sont faites pour danser et sauter en l'air et pas du tout pour se lamenter. Mais quand on part du côté vraiment de la ballade, alors harmoniquement et mélodiquement, il y a quelque chose qui pour moi, mais alors encore une fois, c'est peut-être différentes épopées familiales qui se croisent dans mon petit cerveau malade et qui provoquent ce rapprochement, mais en tout cas moi j'entends très clairement quelque chose de proche et qui m'a donné vraiment voilà envie de relier les deux de façon claire dans mes compositions. Oui, et ce qui les rapproche également, c'est l'esprit de l'errance, du déracinement, de la solitude également existentielle, non? Exactement. Alors moi, c'est un thème vraiment qui est même plus un thème de prédilection. J'ai l'impression que c'est devenu carrément chez moi une obsession, parce que le Silence de l'Exode traitait déjà de ça, mais alors d'une manière complètement différente. Là, on était plus sur les textes saints de l'Ancien Testament, le livre de l'Exode et sortie des Juifs hors d'Égypte il y a 3500 ans. Là, c'est encore une histoire de déracinement, encore une histoire d'errance. Alors, ça pourrait être les hobos, comme ça, les espèces de mendiants, clochards, errants qui, à l'époque, aux États-Unis, voyageaient d'un bout à l'autre des États-Unis en se cachant dans des trains de marchandises ou des choses comme ça, qui étaient un peu bandits de grand chemin, comme ça. Mais ça peut parler aussi de toutes les problématiques actuelles. Des déplacements mondiaux qui se créent au travers des guerres, tous les réfugiés, etc. En tout cas, moi, c'est une thématique qui me touche énormément, et je sais que entre mon père qui s'est exilé un certain moment de sa vie aux États-Unis et la famille de ma mère qui a dû partir d'Europe de l'Est, puis qui a dû même pendant la guerre se cacher et sortir de France à un certain moment, parce que voilà. C'est sûr que cette thématique de l'exode, de l'exil, du déracinement, etc., me parle énormément et je crois inspire pratiquement tous mes projets musicaux. Ce concert, Song for the Old Man, c'est l'occasion de vous retrouver sur scène en quintette. Ça sera donc le mardi 9 février à l'Apostrophe Théâtre des Louvrets à Pontoise. En quintette, disais-je, tout ça aussi pour nous faire entendre une forme de nouveau discours, voire des sonorités nouvelles sur le plan musical avec ceux qui vont partager la scène avec vous. Oui, alors c'est aussi une grande nouveauté pour moi. C'est que, étant donné que l'Americana, on s'attaque quand même à une musique, à une culture qui n'est pas forcément ma spécialité, même si mon oreille a immédiatement accroché à toutes ces sonorités, j'ai décidé de confier les arrangements et une partie de la direction musicale à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Aurélien Africhou, qui est un guitariste avec qui je joue depuis assez longtemps en duo. Mais là, dans cette version en quintette, je me suis dit, vraiment, allons au bout de ce chemin et demandons à quelqu'un vraiment dont c'est la spécialité de s'occuper, de faire sonner le groupe et même de s'occuper de l'instrumentation. Et donc là, on sera basse, batterie, deux guitaristes, mais alors deux guitaristes qui auront à eux deux, je crois, 7 ou 8 guitares, puisque là, il y a le banjo, le dobro, la guitare folk, la guitare électrique, la guitare baryton, la steel guitar, enfin voilà. Mmh. Évidemment, la musique américaine est quand même, enfin la guitare est place extrêmement importante dans la musique américaine. Et voilà, et à partir de ce recueil de chansons que moi j'ai composé, Aurélien les a arrangés vraiment dans un style americana, mais en même temps très personnel, et puis en même temps avec une clarinette à la place de la voix. Donc forcément, je pense que c'est quelque chose qui a jamais été entendu avant. Voilà. C'est à la fois de la musique américaine, à la fois de la musique klezmer, et en même temps quelque chose qui pour moi est absolument moi-même et complètement personnel. Spectacle, concert qui sera d'ailleurs le 9 février prochain, suivi d'une rencontre avec le public, donc à l'issue de ce concert. C'est important, ces moments de partage avec le public qui vient vous découvrir, qui vient découvrir votre musique. C'est d'autant plus important que là, on est en train de tisser avec l'Apostrophe et donc tout le territoire pratiquement du Val d'Oise, une relation qui j'espère sera vraiment profitable à la fois à moi et à la fois au public, parce que c'est ça l'idée, je pense, d'une résidence comme ça un peu longue durée. C'est vraiment de l'ordre de l'échange, c'est pas uniquement pour que dans mon coin, égoïstement, je puisse créer 2-3 projets et puis après m'en aller ailleurs. C'est vraiment bâtir quelque chose sur le terrain, donc aller à la rencontre des gens. Et puis en plus, comme j'ai une tendance à faire des projets tous différents les uns des autres, même si évidemment moi j'y vois la cohérence et le fil directeur musical, je pense que c'est très important pour moi de régulièrement rencontrer le public qui a la gentillesse de venir m'écouter pour qu'on discute ensemble de qu'est-ce qui fait l'unité de toutes ces expériences qui partent à première vue dans tous les sens. Superbe, je rappelle à nos auditeurs, la rencontre et le concert, c'est pour mardi 9 février à 20h30 à l'Apostrophe Théâtre des Louvrets à Pontoise. D'ailleurs, quelques jours plus tard, vous vous produisez dans une autre formule, plus intime, je serais tenté de dire, un concert commenté avec justement votre guitariste que vous évoquiez, Aurélien Nafrichouf, le 12 février à 20h30, cette fois-ci dans un lieu de concert bien identifié à Cergy Pontoise, qui est la salle du Forum de Vauréal. Tout à fait, ouais. On a fait en fait avec Aurélien, bon d'abord on se connaît depuis très longtemps, on joue en duo depuis très longtemps, donc moi c'est toujours un plaisir de jouer en duo avec lui. Et puis là, on a eu cette idée de concert commenté, parce que là, on va plus loin que le concert un peu frontal, puis la rencontre avec le public, même si je trouve que c'est déjà un super pas vers le public. Mais alors là, on va plus loin, c'est carrément entre chaque morceau, il y a un petit dialogue qui se noue, des explications. Alors là, on peut aller un petit peu plus loin, voilà, dans des explications quasi musicologiques. Aurélien peut faire un petit tour de présentation des guitares, des différents styles, parce que l'Americana, c'est quand même extrêmement vaste. Moi, je peux parler un peu de l'ornementation, de l'histoire de la musique klezmer, de comment ma façon de composer s'en inspire et en même temps s'en éloigne. Donc voilà, on peut, et puis des fois, se laisser porter aussi au gré des questions du public qui peut nous emmener complètement ailleurs. Et voilà, ça crée un dialogue, ça nous rend heureux. Un dialogue, une belle rencontre en tout cas à signaler avec ce concert commenté pour le vendredi 12 février à 20h30, cette fois-ci au Forum de Vauréal. Mille merci, Yom, à très bientôt. Donc on va se recroiser ici à Cergy-Pontoise avec beaucoup de bonheur. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci à vous.